Comme mon esprit flotte, incertain. De ce monde frénétique, il passe maintenant aux rêves plus enivrants. La douce espérance rayonnant sur mon front flétri, la force de se tourner encore vers les cieux. Je me vois dans l'avenir couronné par l'amour. La porte de l'enfer, repoussée par une main chérie, se referme. Je respire plus librement. Mon cœur, frémissant encore d'une angoisse mortelle, se dilate de bonheur. Un ciel bleu se pare d'étoiles au-dessus de ma tête. Une brise harmonieuse m'apporte de lointains accords qui me semblent un écho de la voix adorée. Des larmes de tendresse viennent enfin rafraîchir mes paupières brûlantes des pleurs de la rage et du désespoir. Je suis heureux et mon ange sourit en admirant son ouvrage. Son âme noble et pure scintille sous ses longs cils noirs modestement baissés. Une de ses mains dans les miennes, je chante, et son autre main errant sur les cordes de la harpe accompagne languissamment mon hymne de bonheur.